nuit de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Si Denis a plus d'un amant, c'est une chose bien connue. Connue, certes, grâce sans doute à l'interprétation de Brigitte Bardot dans « Vie privée » de Louis Malle. Mais qui est donc l'auteur du poème « Si Denis a plus d'un amant », etc. Charles Cros, le même qui écrivit des lignes admirables sur le « Hare en sort ». Charles Cros, l'inventeur. Charles Cros, celui de l'Académie Charles Cros. Charles Cros, la verdure de la tendresse, selon René Char. Charles Cros, qui accompagnait Verlaine au souper d'arrivée à Paris d'Arthur Rimbaud. Rimbaud, qui lisait les fantaisies en prose de Cros et qui déchirait les poèmes qu'il n'aimait pas. Anthologie française, première diffusion sur la chaîne nationale le 25 mai 1960. Anthologie française. La radiodiffusion télévision française présente Charles Cros, une émission de Serge Jouet, avec Françoise Fechter, Georges Aminel, Maurice Biraud et Robert Parti. Prise de son, Jean Pantaloni. Assistant, René Raymond. Réalisation, Georges Gravier. Émile Hortensius Charles Cros. Philologue, poète et philosophe, comme son père et son aïeul, et physicien. C'est ce Charles Cros, né à Fabrezanne, Aude, le 1er octobre 1842, qui est mort d'une décoordination générale des organes le 9 août 1888 à Paris, rue de Tournon, 5, et a été inhumé le 11 au cimetière Montparnasse. Là, follement actif, là, impatient de sa propre destruction, affaibli par son universalité, chaoté par sa méthode vagabonde, ce Saturnien laisse 3 ou 4 poèmes durables et une précieuse contribution à la physique. Même, il n'est pas impossible qu'une légende s'adonne à cette anormale personnalité et la perpétue. C'est en ces termes, mesuré, calculé au plus juste, à son habitude, en un raccourci aigu, précis et comme découpé au ciseau, que Félix Fénéon rendait hommage à Charles Cros dans La Cravache du 18 août 1888, au lendemain de sa mort. Et non sans précaution, non sans clairvoyance, prévoyait et préparait une certaine réparation des temps à venir. Ces temps à venir, les voici venus, ce sont les nôtres. La légende, si légende il pouvait y avoir, ne se serait jamais faite toute seule. En vérité, il y avait des traces, des marques, des écrits, des dates. Et il y eut un long et difficile combat pour les imposer et les exposer au grand jour, commencé au lendemain de sa mort par ses frères Antoine Cros, le médecin, Henri Cros, le sculpteur, quelques amis, si peu écoutés encore et si peu sérieux, Alphonse Allais, Fénéon, enfin ceux qu'il aimait. Ensuite, le travail fervent de son fils, Guy Charles Cros, avec Gustave Kahn, René Vivien, Émile Gautier et quelques autres. La parution du collier de griffes en 1908, œuvre posthume publiée par les soins de Guy Charles Cros, avec une importante préface et une mise au point sur l'œuvre scientifique par Émile Gautier, gagne moralement les titres d'une gloire encore secrète. Vers 1923, c'est la rencontre éclatante avec le surréalisme. André Breton, Paul Éluard, Benjamin Perret rendent leur hommage à Charles Cros et le mettent au présent, où il n'a plus cessé d'être, pour Michaud, pour René Char, pour Raymond Queneau, pour tant de poètes connus et moins connus. En 1927, cinquantenaire de l'invention du phonographe. C'est le complément définitif d'une campagne de presse qui aboutit à la plaque posée le 30 avril. Charles Cros, poète et savant français, inventeur du phonographe, est mort dans cette maison le 9 août 1888. Il a 9 ans lorsque son père, universitaire, est privé de son poste par le gouvernement autoritaire du Second Empire. Grâce à quoi, ce sont les difficultés matérielles, mais aussi l'installation à Paris. Et à 11 ans, l'étude du sanskrit et de l'hébreu. À 14, une jolie réputation d'indianiste précoce, en même temps qu'il est bachelier. Il suit, discrètement, les cours du Collège de France et reçoit en cadeau de M. Da Silva, consul du Brésil à La Haye, et qu'il rencontre en bibliothèque, la Grammatica Linguae Sanscritae de Bopp avec cet envoi. À Charles Cros, à peine âgé de 14 ans et 4 mois, faible témoignage de reconnaissance et de la plus profonde estime. Bientôt, Charles Cros va enseigner l'hébreu et le sanskrit à Paul Meyer et à Michel Bréal, qui seront eux-mêmes plus tard linguistes éminents et grands professeurs. De ce don si rare pour les langues sacrées, de ce goût si vif, la disparition pose une question sans réponse. Il n'en restera pour trace qu'une sensibilité juste et l'éloignement ironique qu'il saura marquer pour ses poses philologiques déplacées, ces airs érudits et sérieux que prennent les très jeunes gens au temps de sa rupture avec le Parnasse. Avec l'archer ou l'orgue, publié à l'occasion d'un hommage à Wagner, souvent cité et bien connu, on a retrouvé le climat du Lied, d'un romantisme clair. Il y parie surtout la grâce, le sourire, le vent, la lumière, les fleurs. Quelques malices aussi, mais fraîches et sereines, et surtout des fleurs, roses et muguets, roses et jasmins, roses et lilas, et réséda. Jusqu'au plus noir jour, et les plus tragiques poèmes, les fleurs seront présentes et apaisantes pour Charles Cros. Bien que parisienne en tout point, vous avez conservé dans votre être un parfum bucolique, legs immatériel des poèmes rêvés par votre mère. Ainsi votre forme s'explique. En effet, votre voix a des sons dérivés du parler berrichon, lent et mélancolique. Et tous vos mouvements que j'ai bien observés me font penser à Ruth, la glaneuse biblique. De vous s'échappe un vague arôme de foin mûr, comme ceux des lézards qui dorment sur les murs. Vos yeux pleins de soleil sont prêts à toute alerte. Et, par bonté pour ceux que ces yeux ont touchés, sous des aspects mondains et roués, vous cachez que vous n'aimez au fond que la campagne verte. Parallèlement, le travail scientifique se poursuit et dépasse probablement beaucoup en importance les débuts poétiques. D'une part, il publie un curieux essai sur les moyens de communication avec les planètes. D'autre part, le 7 mai, la Société française de photographie reçoit communication des travaux de Cros sur la photographie des couleurs. Et par une de ces coïncidences qui conduisent à dire vulgairement que la réalité dépasse la fiction, le même jour parvient à cette même société communication des travaux sur le même sujet d'un chercheur d'Agen, Louis Ducrot du Horon, qui, par une recherche entièrement indépendante, parvient à des résultats identiques. Nous voici ainsi arrivés à la guerre de 1870. Nous lisons dans les mémoires de Madame Paul Verlaine. Malgré le siège, la famine, le froid et tous les désastres, très souvent les uns ou les autres s'invitaient à dîner sans façon, apportant leur ration de pain et le peu de provisions qu'ils avaient pu se procurer. Un jour, Villiers de l'Isle-Adam apporta un hareng sort, puis, ayant passé la nuit au rempart, demanda la permission de se reposer sur un des divans du salon. Charles Cros, qui entra au moment où il dormait, suspendit le hareng sort par une ficelle au-dessus de la tête du dormeur, puis, tandis que le poisson doré se balançait, il prit une feuille de papier et écrivit le hareng sort. Il était un grand mur blanc, nu, nu, nu. Contre le mur, une échelle, haute, haute, haute. Et par terre, un hareng sort, sec, sec, sec. Il vient, tenant dans ses mains, sale, sale, sale, un marteau lourd, un grand clou pointu, pointu, pointu. Un peloton de ficelles, gros, gros, gros. Alors il monte à l'échelle, haute, haute, haute, et plante le clou pointu, toc, toc, toc, tout en haut du grand mur blanc, nu, nu, nu. Il laisse aller le marteau, qui tombe, qui tombe, qui tombe, attache au clou la ficelle, longue, longue, longue, et au bout le hareng sort, sec, sec, sec. Il redescend de l'échelle, haute, haute, haute, l'emporte avec le marteau, lourd, lourd, lourd, et puis il s'en va ailleurs, loin, loin, loin. Et depuis le hareng sort, sec, sec, sec, au bout de cette ficelle, longue, longue, longue, très lentement se balance, toujours, toujours, toujours. J'ai composé cette histoire simple, simple, simple, pour mettre en fureur les gens graves, graves, graves, et amuser les enfants petits, petits, petits. Voilà donc, dans le récit simple, simple, simple, de Madame Paul Verlaine, comment se présenter l'occasion et la composition sans mystère du célèbre hareng sort. L'événement avait eu lieu chez sa mère, boulevard Saint-Germain, en face du square de Cluny. Il faut bien convenir, c'est à lui que Charles Cros dut d'être connu et d'être méconnu. Mais il lui plut d'abord. Il en fit la dédicace à la plus petite personne qu'il connut lors de la réédition du coffret de Santal, son fils Guy, tout nouveau-né. Verlaine raffolait de cet enfantillage angélique. Et c'est l'un des premiers exemples de ces curieux objets, nous en avons pris l'habitude depuis, on s'y interroge, on se demande s'ils ne sont rien du tout, ou bien des engins dangereusement explosifs. André Breton et les surréalistes ont attiré l'attention sur cette prouesse de faire tourner le moulin poétique à vide. À la même époque et au même endroit, enfin, il écrivit plusieurs poèmes rassemblés bientôt dans le coffret de Santal, et particulièrement ces pièces qui le terminent, que la réédition de 1879 groupe sous le titre « Fantaisies en prose ». Ce sont les textes les plus rares, les plus neufs et les plus singuliers. Usage inouï des mots, vision comme dictée du rêve et des sens. Voici d'abord cette sorte de rêverie, peinte, aiguë, précise, et minutieuse, devant un meuble ancien, un meuble que Verlaine se rappelait avoir possédé du temps où il possédait quelque chose au soleil de tout le monde. Univers révélé, inattendu, insolite, où la Lys de Lewis Carroll n'aurait pas été dépaysée non plus que le grand moule. Surgit du rêve devant le meuble. Il m'a fallu avoir le regard bien rapide, l'oreille bien fine, l'attention bien aiguisée, pour découvrir le mystère du meuble. Pour pénétrer derrière les perspectives de marqueterie, pour atteindre le monde imaginaire, à travers les petites glaces. Mais j'ai enfin entrevu la fête clandestine, j'ai entendu les menuets minuscules, j'ai surpris les intrigues compliquées qui se trament dans le meuble. On ouvre les battants, on voit comme un salon pour des insectes, on remarque les carrelages blancs, bruns et noirs en perspective exagérée. Une glace au milieu, une glace à droite, une glace à gauche, comme les portes dans les comédies symétriques. En vérité, ces glaces sont des portes ouvertes sur l'imaginaire. Mais une solitude, évidemment inaccoutumée, une propreté dont on cherche le but dans ce salon où il n'y a personne, un luxe sans raison pour un intérieur où ne régnerait que la nuit. On est dupe de cela, on se dit c'est un meuble et voilà tout. On pense qu'il n'y a rien derrière les glaces que le reflet de ce qui leur est présenté. Insinuation, qui viennent de quelque part. Mensonges, soufflés à notre raison par une politique voulue. Ignorance, où nous tiennent certains intérêts que je n'ai pas à définir. Pourtant, je n'y veux plus mettre de prudence. Je me moque de ce qui peut en arriver, je n'ai pas souci des rancunes fantastiques. Quand le meuble est fermé, quand l'oreille des importuns est bouchée par le sommeil ou remplie des bruits extérieurs, quand la pensée des hommes s'appesantit sur quelque objet positif, alors d'étranges scènes se passent dans le salon du meuble. Quelques personnages de taille et d'aspect insolites sortent des petites glaces. Certains groupes, éclairés par des lueurs vagues, s'agitent dans ces perspectives exagérées. Des profondeurs de la marqueterie, de derrière les colonnades simulées, du fond des couloirs postiches ménagés dans le revers des battants, s'avancent en toilette surannée, avec une démarche frétillante et pour une fête d'almanach extraterrestre, des élégants d'une époque de rêve, et des jeunes filles cherchant un établissement en cette société de reflets, et enfin les vieux parents, diplomates ventrus et douairières coupe rosée. Sur le mur de bois poli, accroché on ne sait comment, les girandoles s'allument. Au milieu de la salle, pendu au plafond qui n'existe pas, resplendit un lustre surchargé de bougies roses, grosses et longues comme des cornes de limaçon. Dans des cheminées imprévues, des feux flambent comme des vers luisants. Qui a mis là ces fauteuils, profonds comme des coques de noisettes et disposés en cercle, ces tables surchargées de rafraîchissements immatériels ou d'enjeux microscopiques, ces rideaux somptueux et lourds comme des toiles d'araignées? Mais le bal commence. L'orchestre, qu'on croirait composé de hannetons, jette ses notes, pétillements et sifflements imperceptibles. Les jeunes gens se donnent la main et se font des révérences. Peut-être même quelques baisers d'amour fictifs s'échangent à la dérobée. Des sourires sans idée se dissimulent sous les éventails en ailes de mouche. Des fleurs fanées dans les corsages sont demandées et donné en signe d'indifférence réciproque. Combien cela dure-t-il? Quelle causerie s'élève dans ces fêtes? Où va ce monde sans substance après la soirée? On ne sait pas. Puisque si l'on ouvre le meuble, les lumières et les feux s'éteignent, les invités, élégants, coquettes et vieux parents, disparaissent pêle-mêle, sans souci de leur dignité, dans les glaces, couloirs et colonnades. Les fauteuils, les tables et les rideaux s'évaporent. Et le salon reste vide, silencieux et propre. Aussi tout le monde le dit, c'est un meuble de marqueterie, voilà tout. Sans se douter qu'aussitôt le regard détourné, de petits visages narquois se hasardent à sortir des glaces symétriques, de derrière les colonnes incrustées, du fond des couloirs postiches. Et il faut un œil particulièrement exercé, minutieux et rapide, pour les surprendre, quand ils s'éloignent en ces perspectives exagérées, lorsqu'ils se réfugient dans les profondeurs imaginaires des petites glaces, à l'instant où ils rentrent dans les cachettes irréelles du bois poli. Suivent quelques autres proses surprenantes où les poètes sensibles se sont accordés pour découvrir une échappée sur l'art de demain. Et première manifestation de l'art des raccourcis violents que Rimbaud allait exploiter avec son génie propre, l'histoire des rapports entre Croce et Rimbaud serait délicate et téméraire et n'est certes pas dans notre propos. Simplement, disons que Rimbaud a lu et connu ses fantaisies en prose, et que nous y trouvons, à présent, une annonce des illuminations et des saisons en enfer. Il faut rappeler ici la rencontre réelle de Rimbaud et de Croce. Charles Croce, accompagné Verlaine pour le prendre à la gare de l'Est, à son arrivée de Charleville. Ils furent ensemble au souper d'arrivée. Charles Cros hébergea même Rimbaud quelque temps, après son départ de chez Verlaine. Chez Cros, Rimbaud casse pas mal de matériel, déchire ses poèmes qui lui déplaisent, les trop doux, les trop jolis, mais ces proses-là, il ne les a pas détruites, celle-ci l'a certainement frappée. Le vaisseau file avec une vitesse éblouissante sur l'océan de la fantaisie. Entraîné par les vigoureux efforts des rameurs, esclaves de diverses races, imaginaires, puisque leurs profils sont tous inattendus, puisque leurs torses nus sont de couleurs rares ou impossibles chez les races réelles. Il y en a de vert, de bleu, de rouge carmin, d'orangé, de jaune, de vermillon, comme sur les peintures murales égyptiennes. Au milieu du vaisseau est une estrade surélevée, et sur l'estrade, un très long piano à queue. Une femme, la reine des fictions, est assise devant le clavier. Sous ses doigts roses, l'instrument rend des sons veloutés et puissants qui couvrent le chuchotement des vagues et les soupirs de force des rameurs. L'océan de la fantaisie est dompté. Aucune vague n'en sera assez audacieuse pour gâter le dehors du piano, chef-d'œuvre d'ébénisterie en palissandre miroitant, ni pour mouiller le feutre des marteaux et rouiller l'acier des cordes. La symphonie dit la route aux rameurs et aux timoniers. Quelle route et à quel port conduit-elle? Les rameurs n'en savent trop rien, ni le timonier. Mais ils vont sur l'océan de la fantaisie, toujours en avant, toujours plus courageux. Voguez en avant, en avant! La reine de la fiction le dit, en sa symphonie sans fin. Chaque mille parcouru est du bonheur conquis, puisque c'est s'approcher du but suprême et ineffable, fût-il à l'infini inaccessible. En avant, en avant, en avant! Et voici à présent le dernier texte du coffret de Santal. Il figurait déjà dans la première édition de 1873. C'est dire combien c'était tôt dans la vie de Charles Cros. Bien avant les épreuves et les échecs, avant la rupture avec Nina, avant la mésaventure de phonographe, avant la solitude, l'hostilité. Et c'est pourtant peut-être le plus tragique, le plus révélateur des écrits de Cros. On y saisit toute la puissance et toute la faiblesse de cette âme et de cette vie. Contradiction étouffante d'une certitude triomphante et d'une angoisse insupportable. Et déjà, cette hantise de la solitude, ce goût du néant. Il faut bien s'y arrêter parce que c'est le signe, la marque de l'être lui-même qui est tel avant les événements et sans eux. Ce cri d'une gorge serrée précède tout ce qui le justifiera plus tard. Pendant de longues périodes dans la vie courte, je m'efforce à rassembler mes pensées qui s'enfuient. Je cherche les visions des bonnes heures. Mais je trouve que mon âme est comme une maison désertée par les serviteurs. Le maître parcourt inquiet les corridors froids, n'ayant pas les clés des pièces hospitalières où sont les merveilles qu'il a rapportées de tant de voyages. Les ravissements, les instants où je savais tenir l'univers en ma main royale ont été bien courts et bien rares. Presque aussi rares sont pour moi les périodes de pensée normale. Le plus souvent, je suis impuissant, je suis fou. Ce dont je me cache au dehors sous les richesses conquises aux bonnes heures. Quelle drogue me rendra plus fréquente la pensée normale? Quand je l'ai, quand elle se prolonge, ma poitrine puissante me permet de monter là où nul senteur terrestre n'arrive plus, là où, dans le ravissement, j'exerce ma royauté. Après tant de mauvais sommeil, d'où viennent-ils? Voici que je ne suis plus là-haut. Je n'ai plus que le regret de ce que j'y ai senti. À peine me reste-t-il assez de lucidité et de courage pour rendre compte aux hommes de ce que j'y ai fait et me justifier auprès d'eux. J'ai eu toutes les fiertés, j'ai dédaigné les comptes à rendre et les justifications. Mais quand la fièvre pesante m'a égaré et fait redescendre, puis-je vivre seul et sans soleil entre des murs de haine? Pourtant, les efforts que je consens à faire, malgré ma lassitude, loin de m'être comptés, ne me désignent-ils pas plutôt à la fureur des empressés qui s'agitent en bas? En mars de la même année sort la revue du Monde Nouveau. Charles Cros est le rédacteur des deux premiers numéros, et la revue cesse le troisième. Mais 10 ans plus tard, la nouvelle jeunesse symboliste s'en réclamera pour l'esprit et l'intransigeance consciente poétique qui s'y sont révélées. C'est dans cette revue que paraît notamment l'article seul de critique littéraire de Charles Cros, avec ses coups de patte au Parnasse, un exposé sur la synthèse artificielle des pierres précieuses, et surtout, la science de l'amour. Dans ce texte, d'un genre absolument unique, Charles Cros, par une utilisation diabolique et parodique de la fausse précision scientifique au service d'une vraie invention littéraire, arrive à une sorte de bouffonnerie subtile de grossièreté qui est particulièrement bien accordée à notre temps où certains effets à propos d'excès analogues ont été recherchés et obtenus avec toutefois moins de mérite et moins d'ingénuité. Et aussi, combien de graves travaux, enquêtes et rapports ne sont-ils pas là, tués d'avance à bout portant, mais à coups d'épingle? Très jeune, j'eus une belle fortune et le goût de la science. Non de cette science en l'air qui, prétentieuse, croit pouvoir créer le monde de toutes pièces et voltige dans l'atmosphère bleue de l'imagination. J'ai pensé toujours, d'accord avec la cohorte serrée des savants modernes, que l'homme n'est qu'un sténographe d'effets brutaux, qu'un secrétaire de la nature palpable, que la vérité conçue, non dans quelques vaines universalités, mais dans un volume immense et confus, n'est abordable partiellement qu'aux gratteurs, rogneurs, fureteurs, commissionnaires et emmagasineurs de faits réels, constatable, indéniable, en un mot, qu'il faut être fourmi, qu'il faut être ciron, rotifère, vibrion, qu'il faut n'être rien pour apporter son atome dans l'infinité des atomes qui composent la majestueuse pyramide des vérités scientifiques. Observez, observez surtout, ne jamais penser, rêver, imaginer. Voilà les splendeurs de la méthode actuelle. C'est avec ces saines doctrines que je suis entré dans la vie et, dès mes premiers pas, un projet merveilleux, une vraie aubaine scientifique m'est venu à l'esprit. Quand j'apprenais la physique, je me suis dit, on a étudié la pesanteur, la chaleur, l'électricité, le magnétisme, la lumière. L'équivalent mécanique de ces forces est, ou sera sans conteste, déterminé d'une façon rigoureuse. Mais tous ceux qui travaillent à l'expression de ces éléments, du savoir futur, n'ont dans le monde qu'un piètre rôle. Je n'ai pas un physique absolument désagréable, je ne suis ni trop grand, ni trop petit, et personne n'a jamais affirmé que je fusse brun ou blond. J'ai seulement les yeux un peu petits, pas assez brillants, ce qui me donne un aspect d'hébétude utile dans les sociétés savantes, mais nuisible dans le monde. Je m'étais dit, je veux étudier l'amour, non comme les donjons qui s'amusent sans écrire, non comme les littérateurs qui sentimentalisent nuageusement, mais comme les savants sérieux. Pour constater l'effet de la chaleur sur le zinc, on prend une barre de zinc, on la chauffe dans l'eau à une température rigoureusement déterminée au moyen du meilleur thermomètre possible. On mesure avec précision la longueur de la barre, sa ténacité, sa sonorité, sa capacité calorique, et on en fait autant à une autre température non moins rigoureusement déterminée. C'est par des procédés aussi exacts que je me proposais, projet remarquable à un âge si tendre, 25 ans à peine, d'étudier l'amour, difficile entreprise. Généralement, je ne sais par quelle répugnance gênante et même coupable, les gens amoureux se soustraient obstinément à tout examen scientifique, et cela particulièrement dans les instants où l'examen serait fructueux. Ceci acquis, mon plan fut bien vite arrêté. Pour étudier l'amour, me dis-je, il faut prendre le meilleur poste d'observation. Le confident le plus intime est congédié lors des minutes caractéristiques. Il n'y a que les meubles, quelquefois un chien, un chat, qui assistent à ces mystères, qu'une inexplicable fatalité a dérobé jusqu'ici à l'analyse. Je n'ai donc qu'une ressource, c'est de jouer personnellement le rôle d'amoureux. N'ayant guère de charme, vu que le peu qui m'en avait été accordé par la nature s'était étiolé à l'ombre des bibliothèques et aux odeurs des laboratoires, j'eus recours à mon profond savoir pour me rendre digne des rêves féminins. Après de nombreux insuccès, je trouvai enfin mon affaire. Ce fut dans une famille habitant le Marais, dans un de ces vieux hôtels de président de parlement. Elle s'appelait Virginie et était châtaine. Nous échangeâmes nos portraits. Le mien était photographié sur émail, encadré d'or, avec une chaînette minuscule, pour être porté sous les vêtements. Ce portrait contenait, caché entre une plaque d'ivoire et l'émail, deux thermomètres à maxima et à minima, deux chefs-d'œuvre de précision sous des dimensions si petites. Ainsi, je pouvais vérifier les modifications à la température normale d'un organisme affecté d'amour. Sous des prétextes souvent difficiles à inventer, je me faisais rendre pour quelques heures le portrait, je prenais note des nombres à leur date et j'amorçais de nouveau les thermomètres. Un soir que j'avais dansé deux fois avec une petite dame brune, je me rappelle avoir constaté un abaissement de température de 4 dixièmes suivi ou précédé, rien ne me fait connaître l'ordre des phénomènes, d'une élévation de 7 dixièmes. Voilà des faits. Quoi qu'il en soit, tout étant préparé, je pris les mesures suivantes. Je dis à Monsieur D. La propriété, c'est le vol. Ce n'est pas de moi, ce n'est pas neuf, mais ça porte toujours. À Madame D., qui avait fait une fausse couche dont elle parlait trop souvent. La FAB, au point de vue économique et social, peut et doit être considérée comme une usine à fœtus. Puis, j'insinuai dans la main de Virginie ce billet. Je vous expliquerai tout après. Brouille absolue entre vos parents et moi. L'idéal, le rêve, le prisme de l'impossible, voilà ce qui nous attend. Pour vivre, il faut aimer. Il y a une berline en bas. Viens ou je me tue et tu es damné. C'est ainsi que je l'enlevais. Nous allions quelque part, on le suppose. J'avais en effet depuis longtemps préparé, avec ma sagacité personnelle, une délicieuse et méthodique installation dont le but apparaîtra ci-dessous. Il y avait 3 heures de chemin de fer, beaucoup de temps pour les farments, les sanglots, les palpitations. J'avais préalablement étudié, autant qu'il se peut, la situation dans les romans. Tu, vous me sacrifiez tout, comment reconnaître, puis après un silence, je t'aime, je vous aime. Or, les voyages avec la bien-aimée, l'horizon rougit le soir ou le matin sans perles à l'aurore, et l'on est tous deux face à face après la distraction ou le sommeil dans des pays à parfums nouveaux. Nous arrivons, elle comme un oiseau mouillé, moi ravi du succès initial de mes recherches, car sans me laisser entraîner à la vanité romanesque de cet enlèvement, j'avais durant tout le voyage, en rassurant la pauvre jeune fille effarouchée, adroitement appliqué entre sa 10e et sa 11e côte, un cardiographe à fonctionnement prolongé, si exact que monsieur le docteur Marais, à qui j'en dois la description idéale, se l'était refusé par économie. Puis une voiture nous prit à la gare. Terreur, embarras, ivresse, inquiète de la demoiselle. Faiblement repoussés, mes embrassements permettaient au cardiographe d'enregistrer les expressions viscérales de la situation. Et dans le délicieux boudoir, où, mettant ses mains sur ses yeux, elle se reprochait sa rupture définitive avec les exigences de la morale et de l'opinion, je pus heureusement procéder à la détermination exacte, le moment était d'absolue importance, du poids de son corps. Voici comment. Elle s'était laissée aller sur un sofa, perdue en ses pensées. M'arrêtant, émue, ravie de la contempler, je pressai du talon un bouton de sonnerie électrique ménagé sous le tapis et à côté, dans un cabinet secret, au bout du levier de bascule dont le sofa occupait l'autre bout, Jean, domestique dévoué et prévenu, put constater le poids de la demoiselle habillée. je me jetai à côté d'elle et je lui prodiguai toutes les consolations possibles, caresses, baisers, massages, hypnotisme, etc., etc. Consolations pourtant non définitives, vu mon plan de recherche. Je passe sur les transitions qui m'amenèrent à faire tomber ses derniers vêtements, toujours sur le sofa, et à l'emporter dans l'alcôve, où elle oublia famille, opinion, société. Pendant ce temps-là, Jean pesait les habits laissés, bas et bottines compris, sur le dit sofa de manière à obtenir, par soustraction, le poids net du corps de la femme. D'ailleurs, dans la chambre où, ivre d'amour, elle s'abandonnait à mes transports fictifs, car je n'avais pas à perdre mon temps, nous étions comme dans une cornue. Les murs doublés de cuivre empêchaient tout rapport avec l'atmosphère, et l'air à son entrée d'abord, à sa sortie ensuite, était analysé d'une manière rigoureuse. Les solutions de potasse des appareils à boules révélaient, heure par heure, à d'habiles chimistes, la présence quantitative de l'acide carbonique. Je me souviens de nombres curieux à ce sujet, mais il manque de la précision justement exigée dans les tables, puisque ma respiration à moi, non amoureux, était mêlée à la respiration de Virginie, vraie amoureuse. Qu'il me suffise de mentionner, en gros, l'excès d'acide carbonique lors des nuits tumultueuses où la passion atteignait ses maxima d'intensité et d'expression numérique. Des bandes de papier, de tournesol, habilement distribuées dans les doublures de ses vêtements, m'ont révélé la réaction constamment très acide de la sueur, puis les jours suivants, puis les nuits suivantes, que de nombres à enregistrer sur l'équivalent mécanique des contractions nerveuses, sur la quantité de larmes sécrétées, sur la composition de la salive, sur l'hygroscopie variable des cheveux, sur la tension des sanglots inquiets et des soupirs de volupté. Cette exquise période de bonheur pour elle et de fructueuses études pour moi dura 87 jours. J'avais établi la série de faits décisifs sur lesquels la science de l'amour doit nécessairement se fonder, sauf la neuvième et dernière partie dans ma subdivision. Cette neuvième partie a pour titre « Les effets de l'absence et du regret ». Virginie, dis-je donc un matin, rêve bleu de ma vie, étoile de mon avenir blafard, j'ai oublié dans tes bras quelques billets à ordre qu'on a protestés. Je dois donc, momentanément, me soustraire aux lueurs de tes yeux, au magnétisme de tes baisers, à l'éblouissement de tes étreintes, et aller laver cette tâche de ma vie commerciale. La scène qu'elle me fit compléta ce que j'avais déterminé dans quelques scènes précédentes, relativement au mécanisme du dépit. Et je partis, inflexible, non sans laisser des instructions précises à tous mes préparateurs pour qu'ils prissent les dernières notes nécessaires à mon mémoire, dont l'effet académique s'annonçait désormais comme devant être foudroyant. En revenant dans le wagon, je me félicitais intérieurement de mon œuvre, colossale accomplie. Je me disais justement que mon mémoire serait un colossal coup de tam-tam dans le monde savant, quelque chose comme les principes de Newton ou toute autre révélation analogue. « Madame est sortie depuis 3 jours, me dit-on quand je fus chez moi. »« Sortie depuis 3 jours, ce n'est pas possible. »« Elle a laissé une lettre pour monsieur. »« Vous seriez un misérable, monsieur, si vous n'étiez pas si bête. » Oh, comme je m'ennuyais chez mes parents depuis mes études au conservatoire. Vous n'avez pas compris que j'ai été bien heureuse de vous trouver pour sortir de la baraque paternelle. Merci tout de même, cher ami. Jules W., votre ami, m'avait expliqué vos projets. Il faut que vous soyez bien jeune, sans en avoir l'air, pour croire que c'est là ce qu'on apprend avec les femmes. À propos, j'ai trouvé tous vos instruments, tous vos registres. J'étais nerveuse, pourtant vous m'êtes bien indifférent. Et j'ai tout cassé, tout brûlé. J'ai même découvert le mystère du scapulaire que vous m'aviez laissé. Vos thermomètres, vos hygromètres, c'est le mot, je crois, autant de mouchards sont en miettes. Et puis, quel renseignement auriez-vous eu d'après moi sur l'amour? Vous m'avez toujours ennuyé au possible. Votre ami Jules m'avait amusé, et peut-être ému, avec ses audaces bohémiennes. Vous, jamais. Il faisait trop triste dans vos boudoirs à trucs. Adieu, mon petit savant. Je vais me dégourdir sur les planches, à l'étranger. Un grand seigneur russe, moins sérieux et plus sensible que vous, m'emporte dans sa malle. Virginie. Donnons là des monologues qu'il commence à écrire pour Coquelin, dont il vient de faire la connaissance. Voici celui où l'on trouve les effets les plus réussis que Ionesco a ressuscité aujourd'hui dans la cantatrice chauve. On se souvient des Bobby Watson. Pour Cross, c'est la famille Dubois. Je suivais un nouveau boulevard interminable, aux maisons toutes pareilles, que le commerce couvre de grandes lettres dorées. Le ciel était blanchâtre, le pavé gras, l'air sentait l'ennui. Sur un grand balcon, je lis « Dubois, chemisier ». Sur le balcon suivant, « Dubois, tailleur ». Puis, toujours à la suite, « Dubois, col, cravate en gros ». « Dubois, fourniture pour machine à coudre ». « Dubois encore. » Au bout du boulevard, une gare. « Tiens, je vais prendre un billet pour n'importe où. » J'entre dans la gare, on allait partir. Il y avait là un tas de gens vilains qui s'embrassaient. Les larmes arrosaient les sacs de nuit et les couvertures de voyage. « Tiens ! Oh, toi ici ?» C'est un de mes amis dont le nom m'est aussi inconnu que le 17e roi de Babylone. Question, explication. « Comment ? Tu ne connaissais pas le vieux grand-père Dubois que nous venons d'accompagner à la gare ? Allez, allons-nous-en, j'ai fait acte de présence, ça suffit. Oh. » Les jours d'ennui ternes où l'on se sent la tête vide, être bercé par la parole d'un ami totalement inepte. Tirant sa montre... 4h30, oh, d'ici à 5h nous avons le temps. Eh ben prenons l'absinthe, nous causerons. Nous entrons dans un café blanc qui sent la peinture récente. Là, tout en faisant nos deux absinthes, mon ami continue. « Comment ? Tu ne connaissais pas le vieux grand-père Dubois que nous venons d'accompagner à la gare ? Eh bien, je vais te dire qui c'est, ce vieux grand-père Dubois. D'abord, il a eu un père, lui aussi, comme tout le monde. Ce père avait été jaugeur des droits réunis sous Louis XV. Il avait si bien se faufiler qu'il avait conservé depuis sa place sous tous les régimes. » Ah, tu ne croirais pas que je l'ai connu. C'était en 1823 ou 24. J'étais tout moutard. Il mettait encore de la poudre et pleurnichait toujours en parlant de sa fille, la sœur de celui que nous venons d'accompagner à la gare, qui était morte d'une peine de cœur à 19 ans. Ah, je me rappelle encore le jour où nous avons enterré ce vieux talon rouge. Tiens, c'était un jour tout à fait vilain, comme aujourd'hui. Et poussant devant moi l'absinthe... Ah, je te la garantis bien faite. Continuant à insinuer un mince filet d'eau dans son verre. Il n'y a pas besoin de verser d'eau, oh, c'est un préjugé. Non, il faut aller doucement, doucement, et puis tout d'un coup, flouf ! Oh là là, une purée parfaite. Alors, son fils. Quel fils ? Je disais ça pour avoir l'air de parler. Le fils du vieux jaugeur. Ce fils était précisément le vieux grand-père Dubois que nous venons d'accompagner à la gare. Il s'était marié en 1814 ou 1815. Ah, d'ailleurs, était-ce un mariage de convenance ou d'amour ? Je n'en sais, ma foi, trop rien. Et, chose singulière, cette demoiselle qu'il épousa et qui fut sa fidèle compagne jusqu'à l'année dernière s'appelait mademoiselle... Non, devine. Je restais muet et comme dans l'angoisse. Elle s'appelait mademoiselle Dubois. Mais elle n'était parente d'aucun côté avec lui. Non, les Dubois dont je te parle sont des environs de Dijon. Et alors cette demoiselle Dubois, enfin, la femme de celui que nous venons d'accompagner à la gare, était d'une famille de petits propriétaires dans le Rouergue. C'était un ménage très uni. Dans un temps, je sais bien qu'on a jasé sur madame Dubois, mais on a su depuis que c'était un cousin du Rouergue, vexé de ne pas avoir pu épouser sa cousine, qui avait fait courir de faux bruits. Ils ont eu un fils qui est mort au sortir du collège, où il avait fait d'assez bonnes études au moment où il commençait son droit, sans trop d'idées de le continuer. Il se destinait à l'enregistrement, car il est mort d'un chaud effroi. Or... Oh tiens, je me rappelle le jour où nous l'avons enterré, c'était en 32 ou 33, un jour vilain comme aujourd'hui. Et cette perte a toujours affecté le vieux grand-père Dubois. Il y a 8 jours, il m'en parlait encore. Il aime pourtant beaucoup sa fille, madame Dubois, la mère chez qui nous irons faire une partie de dames ce soir, si tu veux. Comment, madame Dubois ? Eh oui, madame Dubois... La mère qui était auparavant Mademoiselle Dubois, La mère des autres Dubois, mais la fille de celui que nous venons d'accompagner à la gare et qui a épousé un nommé Dubois qui n'était son parent en aucune façon puisqu'il était originaire du Gâtinais. Sa famille est bien connue à Melun. Tiens, je me rappelle encore le jour de la noce. C'était justement un jour tout à fait vilain, comme aujourd'hui. Donc, Madame Dubois, la mère, a épousé un nommé Dubois du Gâtinais. Alors, c'était un homme tranquille qui s'est marié moitié par affection, moitié par convenance. Et elle lui a du reste apporté en dot, son grand-père avait le moral long, la perception de gonesse. Alors, ils ont eu 3 enfants. D'abord, une fille qui est morte à 21 ans. D'une peine de cœur, n'est-ce pas? Tiens, as-tu la connue? Non, mais je devine. Ah, c'est curieux que tu aies deviné ça, toi. Le fils aîné a fait d'assez bonnes études et il a commencé son droit. Il y a 8 ans, le fils Dubois aîné a passé son bachot. Oh, c'était un jour qui est tout à fait vilain, comme aujourd'hui. Oh, j'étais tout crotté en arrivant chez eux. La soirée fut charmante. On y remarqua déjà l'inclination du jeune bachelier pour une demoiselle qu'il a épousée depuis. Quelle ne fut pas ma surprise quand, sur ma demande, on me dit le nom de cette jeune fille qui venait de chanter, et assez bien, ma foi, accompagnée au piano par sa mère. Elle s'appelait Dubois, dis-je avec un regard éteint. Comment? Ah mais tu le savais? Ah ben, tu les connais très bien. Tu me fais poser. Oui, alors vraiment, cette soirée-là fut vraiment charmante, sauf un nuage. Le fils cadet n'y assistait pas. Tu sais qu'il est brouillé avec sa famille. Hein? Quel fils cadet? Quelle famille? Tu t'amuses? Oh non. Le fils Dubois cadet, l'autre petit-fils de celui que nous venons d'accompagner à la gare, qui signe D'Ubois et qui fréquente les ateliers d'artistes, c'est pour les modèles. Bien que je fusse complètement abruti, les vapeurs de l'absinthe me faisaient suivre avec une féroce minutie uniquement les détails relatifs à la famille Dubois. Ah, je vais quelquefois chez le jeune ménage, Dubois aîné. Ils ont une petite fille de 4 ans qui est tout le portrait de son grand-père que nous venons d'accompagner à la gare. Leur petit garçon, par exemple, est un peu pâle. Quel petit garçon? Et je labourais ma poitrine de mes ongles. Le frère de la petite. Ils ont l'intention de lui faire commencer son droit quand il sortira du collège. Mais il n'ira peut-être pas jusque-là. Pour ces organisations-là, il suffit d'un chaud et froid! Hurlai-je furieux de n'étreindre dans ma main qu'un couteau à fric qui ne coupait pas. Et c'est au même moment où se décide, si fâcheusement, son sort sur le plan de la réputation scientifique, que se consomme la rupture avec Nina. Et comme tout se trouve toujours mêlé, au cours de la scène, elle jette au feu le manuscrit d'un écrit important à la mécanique cérébrale dont il ne reste plus que les premiers chapitres parus en 1885 dans la synthèse médicale. En apparence, la réparation sentimentale fut dans une certaine mesure mieux assurée que l'autre, puisque, dès mai, Kraus épouse une belle, charmante et très distinguée jeune Danoise, originaire des Antilles, et qu'il réussit à être un bon mari et un bon père, jusqu'à laisser un souvenir impérissable de sa bonté, de sa patience, de son charme, dans le cœur et dans l'esprit d'un petit garçon qui n'avait pourtant que 9 ans quand il mourut, mais qui se rappelait les leçons de latin, les exemples de caractère d'esprit et maintes merveilles. Pourtant, un déséquilibre profond était installé. La blessure de Nina inguérissable et la pire bohème comme une nécessité. Comment tous ces aspects contradictoires peuvent-ils se concilier pendant les dernières années? Très mal, et très douloureusement, et au prix d'une terrible usure, sans aucun doute. Et il n'en reste pour nous que les traces extérieures, une dizaine encore de communications à l'Académie des sciences et à l'Académie de physique, dont plusieurs avec lecture et publication dans les comptes rendus. Plusieurs témoins le montrent ainsi absorbé. Les notes et les calculs et figures emplissaient souvent ses poches. Il lui est arrivé de dire « Mais je travaille toujours ». Mais en même temps, c'était les soirées et les nuits au Chat Noir, l'exhibition de Coquelin qui prospérait très fort sur les monologues de Kraus. Kraus se produisait aussi lui-même, mélange de gagne-pain, de dégoût et de goût. C'est la participation à beaucoup de mouvements littéraires et poétiques plus ou moins bruyants, où il ne lui arrive pas souvent de se sentir à l'aise et à sa vraie place. Le moment le plus marquant pour lui est sa fondation des zutistes à la maison de bois de la rue de Rennes. Mais beaucoup de poèmes paraissent dans diverses revues. Chat Noir, Molière, Scapin, etc. Les plus beaux sont toujours ceux où l'on retrouve le bilan comme la pesée de la vie. Je sais faire des vers perpétuels. Les hommes sont ravis à ma voix qui dit la vérité. La suprême raison dont j'ai fier hérité ne se paierait pas avec toutes les sommes. J'ai tout touché, le feu, les femmes et les pommes, j'ai tout senti, l'hiver, le printemps et l'été, j'ai tout trouvé, nul mur ne m'ayant arrêté. Mais chance, dis-moi donc de quel nom tu te nommes. Je me distrais à voir à travers les carreaux des boutiques les gants, les truffes et les chèques où le bonheur est 1, suivi de 6-0. Je m'étonne, valant bien les rois, les évêques, les colonels et les receveurs généraux, de n'avoir pas de l'eau, du soleil, des pastèques. Testament. Si mon âme claire s'éteint comme une lampe sans pétrole, si mon esprit en haut déteint comme une guenille folle, si je moisis, diamantin, entier, sans tache, sans vérole, si le bégaiement bête atteint ma persuasive parole, et si je meurs sous dans un coin, c'est que ma patrie est bien loin, loin de la France et de la terre. Ne craignez rien, je ne maudis personne, car un paradis matinal s'ouvre et me fait taire. Et pour confier à un poète le soin de prolonger ce soir en chacun de nous la mémoire de Charles Cros, nous terminerons sur cette courte lecture de René Char, extrait d'une lettre à Henri Parizeau, le 19 juillet 1943. C'est une joie de mettre un moment sa main dans celle de ce fin compagnon du crépuscule, de ce dévaleur de pente chimérique, au bas desquels vous attend sur les lèvres d'un amour léger le poème impromptu du bien-être mélancolique. L'ineffable honnêteté de Cros, le mot qui tente à l'exprimer, parfume les abords foudroyés de la serre noire où se déchiquette Rimbaud. Il arrive qu'une goutte de minuit affleure en larmes de sang sur les ailes de ce regard qu'on souhaiterait longtemps tenir dans le sien pour se découvrir inspiré et se garder novice. Cros, c'est la verdure de la tendresse répartie sur le rempart où la condition humaine, dans ses meilleurs jours, nous permet d'accéder. Seulement là, à mi-corps, une moitié bleue, l'autre partie mortelle. Anthologie française. La radiodiffusion télévision française vous a présenté Charles Cros, une émission de Serge Jouet, avec Françoise Fechter, Georges Aminel, Maurice Birot et Robert Parti. Prise de son, Jean Pantaloni. Assistant, René Raymond. Réalisation, Georges Gravier. Thank you.